pas dans le Benz. Carré coiffe finlandaise. Remontée hollandaise. C'est mon triple qui est en caisse. Mais dis-moi pourquoi t'es jaloux. J'ai les meilleurs flûtes, ben ouais, ma gueule. Ça fait top top contact, je nous premier dans les statues. Claire, ma gueule. Oh non, non, on repart à zéro. Mon bébé, c'est ma play, ma belle. J'allume et tu kiffes la mélo. Je te l'ai dit, je fais du sale, ma gueule. Oh, oh. Nous on connaît pas la crise. Jamais en panne, panne, panne, ma gueule. Jamais en panne, panne, panne dans les mélos. Jamais en panne, panne, panne, ma gueule. Oh, non, non. Nous on connaît pas la crise. Jamais en panne, panne, panne, ma gueule. Jamais en panne, panne, panne dans les mélos. Jamais en panne, panne, panne, ma gueule. Oh, non, non. Je sais pas qui est Maradona. Moi, mais t'es là. Je leur fais la mala, la la la la la la. Penalty dans la lucarne. Ou bien je fais une panica. Et sur Oisin, je me suis mis à la Mac 10. Que des tapés, un minimum de gens qui existent. Il faut faire vite, ils ont pissé au lagage. Je suis sans licence quand tu veux jouer à la vache. Ce soir en showcase sur Fortnite. J'ai pas studio, y'a la play toute la night. T'en dirais que tu connais mieux que moi ma life. Sur le terrain, je leur fais la balle. Non, on connaît pas la vie. J'avais la ola, maintenant c'est vide, y'a le corona. Non, on connaît pas la crise. Jamais.